La deuxième épître de Paul à Timothée. Dans sa première épître, Paul montrait à Timothée comment s'acquitter de sa tâche au sein de l'Église du Dieu vivant. Il le chargeait d'exhorter les croyants, d'affermir leur foi, de dénoncer certains périls. Il lui recommandait l'ordre et la discipline en pleine maison de Dieu. Paul était alors prisonnier à Rome. Lors de sa première comparution devant Néron, Paul a dû affronter seul le tribunal. Ses compagnons les plus proches n'ont pas eu le courage de le suivre. Nous lisons 2e Épître à Timothée, chapitre 4, versets 16 à 17. « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. » J'ai été délivré de la gueule du lion. Y a-t-il là une allusion au lion déchirant les chrétiens dans les arènes du Colisée? Ou bien Paul parlait-il en ces termes de la condamnation de l'empereur? L'apôtre a vraisemblablement été relâché pendant quelque temps. Mais pendant cette courte période, a-t-il eu la possibilité de visiter les églises? Il est difficile de le dire, car le Nouveau Testament n'en parle guère. De toute façon, Paul n'a bénéficié que d'un sursis. Bien vite, l'étau de la persécution s'est resserré, et les émissaires de l'empereur l'ont arrêté à nouveau. L'on ne sait combien de temps cette seconde captivité a duré. Mais 2 ans, 3 ans tout au plus se sont écoulés entre le moment où Paul a écrit en prison sa première lettre à Timothée et celui où il a rédigé la deuxième. À nouveau en prison, il écrit « Souviens-toi de Jésus-Christ pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » De Timothée 2, 8 à 9. Paul ne se fait plus d'illusions sur le sort qu'il attend. Il recomparaîtra devant César, et cette fois, ce sera le martyr. « Car pour moi, je sers déjà de libation, c'est-à-dire de sacrifice, et le moment de mon départ approche. » De Timothée 4, 6. C'est pourquoi nous devons considérer la deuxième épître à Timothée comme le tout dernier écrit rédigé par l'apôtre avant sa mort. Elle constitue un véritable testament spirituel par lequel Paul transmet à Timothée les consignes pour la poursuite de l'œuvre. C'est un émouvant plaidoyer, tout empreint de l'atmosphère des persécutions. Le terme « souffrance » y apparaît à diverses reprises, et l'on sent bien que pour l'apôtre, ce terme exprime une réalité quotidienne. Un autre trait de cet épître souligne son caractère de testament spirituel. Paul adresse un dernier adieu à ses divers collaborateurs. Plus de 30 personnes sont citées dans ces 4 chapitres. Il semble que l'apôtre n'oublie aucun de ses compagnons de combat. Il encourage les uns, exhorte les autres. Parfois aussi, il déplore certaines défections. C'est notamment le cas au chapitre 4, versets 9 à 12. « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Paul considère Timothée comme son successeur. Dans le cadre des instructions pathétiques qu'il lui adresse, le thème général de l'épître ressort d'abord dans une petite phrase qui se retrouve 3 fois au chapitre 1er. N'aie donc point honte. Verset 8. Je n'en ai point honte. Verset 12. Il n'a pas eu honte. Verset 16. Puis ce thème général constitue l'essence des 4 chapitres. Timothée, n'aie pas honte de souffrir pour Christ. C'est le sujet du chapitre 1. N'aie pas honte de servir Christ. C'est le thème du chapitre 2. N'aie pas honte d'enseigner Christ. C'est la pensée principale du chapitre 3. N'aie pas honte de mourir pour Christ. C'est la recommandation suprême du chapitre 4. Nous sommes ici en présence de l'un des paradoxes de l'Écriture sainte. Paul est à la merci de Néron. Il doit comparaître incessamment devant son tribunal. des menaces toujours plus précises pèsent sur les chrétiens. C'est le régime des dénonciations et des emprisonnements. Les croyants se retirent dans les catacombes pour prier. Et lorsque les autorités mettent la main sur eux, c'est pour les pousser dans les arènes du Colisée où ils seront déchirés par les fauves. Eh bien, dans ce cadre dramatique, le conducteur spirituel et le fondateur de tant d'églises, Paul, ce vieillard qui n'a plus aucune chance d'échapper au martyr, relève le défi des opposants en exprimant de la part du Seigneur un message empreint de courage et d'espérance. Timothée, n'aie donc point honte. Je ne puis m'arrêter ici sur les caractéristiques de la vie chrétienne véritable énumérées dans ces 83 versets. Paul parle de conscience pure et de prière, chapitre 1, verset 3, de foi, chapitre 1, verset 5 et chapitre 3, verset 10, de témoignage, chapitre 1, verset 8 et chapitre 4, verset 2, d'espérance, chapitre 1, verset 10, d'endurance, chapitre 2, verset 4 à 10, d'enseignement biblique, chapitre 3, verset 14 à 17, de combat de la foi, chapitre 4, verset 6 à 22. Mais j'aimerais attirer votre attention sur certains passages prophétiques de l'Épître qui dépeignent les caractéristiques de notre siècle. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. De Timothée 3, 1 à 5. L'égoïsme et l'immoralité poussent beaucoup de gens vers les soi-disant plaisirs. Ajoutons à cela les déviations et les fausses doctrines. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. De Timothée 4, 3 à 4. Aujourd'hui, la chrétienté sombre dans l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Les faux prophètes se multiplient et les doctrines d'erreur séduisent de très nombreuses victimes. Mais, dans ce contexte, le vrai disciple de Christ réagit et fait preuve d'autres ambitions. Toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. De Timothée 4, 5. Et l'expérience de l'apôtre ne peut qu'encourager les serviteurs de Christ des temps de la fin. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. De Timothée 4, 7 à 8. Paul n'attend plus rien des hommes. Il ne regarde qu'au Seigneur Jésus et à la récompense qu'il lui a promise. Les athlètes de l'Empire romain couraient pour obtenir des couronnes de laurier. Mais l'apôtre a couru dans l'arène du combat de la foi pour remporter un prix combien plus glorieux, la couronne de justice que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il sait que cette couronne lui sera remise lorsque Jésus-Christ reviendra enlever son Église de la terre. Et Paul se réjouit de l'avènement de son Seigneur, ce Seigneur qu'il a aimé et servi si fidèlement pendant tant d'années. Alors, son bien-aimé Sauveur lui dira, comme au serviteur de la parabole de Matthieu 25, « Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Mais Paul ne sera pas seul. D'autres qui auront vaincu comme lui seront récompensés. Paul les englobe dans une même vision d'espérance et de foi, et du sein de ses afflictions, il affirme que la couronne de justice sera décernée, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. De lourds soucis vous rongent. L'avenir vous angoisse. Vous êtes peut-être écrasé sous le poids de vos épreuves. Vous tâtonnez dans la nuit de l'inconnu, sans savoir où vous dirigez. Je me souviens d'une expérience dans les Alpes. Je me trouvais avec ma femme sur un glacier lorsqu'un épais brouillard nous a enveloppés. Nous devions éviter séracs et crevasses. Or, il est très difficile de conserver l'orientation sur un glacier, surtout lorsqu'il faut contourner des obstacles. Je n'avais pas de boussole. Le brouillard se faisait toujours plus dense. De plus, la nuit commençait à tomber. Soudain, nous avons entendu le bruit lointain d'un moteur. Le matin même, nous avions remarqué un câble qui, partant de la vallée, franchissait les moraines pour aboutir à un treuil proche de la cabane où nous voulions nous rendre. Ah, quel soulagement de pouvoir dès lors nous diriger à l'ouïe, en écoutant les vibrations de ce moteur. Chaque pas plus près du bruit nous rapprochait du refuge et de la sécurité. Participants de la course chrétienne, vous êtes plongés dans les épais nuages de vos épreuves, et l'avenir s'assombrit pour vous. Mais n'est-ce pas le moment de vous laisser diriger à l'ouïe? Écoutez les vibrations célestes. Ouvrez les oreilles de votre foi à la voix du Seigneur qui vous promet délivrance et récompense. Bientôt, la trompette sonnera. Bientôt, Jésus-Christ reviendra. Bientôt, il enlèvera les siens, puis instaurera ici-bas son règne et remplira le monde de justice et de paix. Réjouissez-vous à cette perspective. Aimez cet avènement. Préparez-vous-y dès maintenant. Vos souffrances deviendront supportables. Votre angoisse s'estompera. Vos larmes sécheront. Car la vive réalité du retour du Seigneur éclairera désormais vos circonstances quotidiennes. Dès aujourd'hui, vous vivrez dans la perspective de ce glorieux avenir et vous vous réjouirez de l'éternité bienheureuse où nous serons toujours avec le Seigneur. Et c'est ainsi que la deuxième épître de Paul à Timothée, rédigée dans la prison de Néron, nous introduit dans la merveilleuse espérance du ciel.